Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro d'Apérotac. Alors aujourd'hui, c'est un numéro un peu spécial. Hein, donc d'ailleurs, vous nous voyez par la webcam, vous voyez, il y a Yankuza qui est juste à côté de moi. Salut Yankuza. Bonsoir à tous. Alors oui, numéro un peu spécial parce que comme Yankuza est chez moi, on a décidé de faire un numéro où on sera du coup que nous deux et les autres, ça a été enregistré tout simplement. Et donc du coup, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Ça va toi ? Oui, ça va, excuse-moi, j'ai deux oreilles de prix de chaque côté. Ah ouais, c'est un peu parce que je vérifie sur le Facebook Live, le son est correct et j'ai le son retour de la table de mixage. Donc pour l'instant, vous voyez pas tout, hein, vous voyez pas tout, mais grosso modo, il y a la table, il y a l'ordinateur, il y a notre ordinateur qui envoie, c'est un peu la pagaille, il y a des câbles de partout. Alors, on va arrêter tout de suite les transitions, on va lancer les Apéro News qui sont présentés par Blackstar et qui a eu la gentillesse de nous les enregistrer. Du coup, hop, voilà. Et donc, on se retrouve juste après ces news. À tout de suite. À tout de suite. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour un nouvel Apéro News pour cette semaine. Alors, on commence tout de suite par Fire Punch, édité chez Kazé. Donc, Fire Punch est un titre qui est novateur chez Kazé, qui débutera le 21 juin. Et pour ce faire, l'éditeur Kazé a mis en place une campagne de prépublication gratuite, donc qui commence depuis le 15 mars. Donc le principe, c'est que tous les 15 jours, vous aurez le droit à un chapitre gratuit, et ce jusqu'au mois de juin. Donc ça sera le premier chapitre le 15 mars, le deuxième chapitre le 29 mars, etc., etc., jusqu'au chapitre 7 qui aura lieu le 7 juin. La particularité, c'est que ces chapitres seront gratuits uniquement pendant 24 heures. Donc le mercredi de 18h jusqu'au jeudi 18h, vous aurez la possibilité de voir cet extrait gratuitement sur le site de Kazé. Et chaque semaine, il y aura un chapitre en plus. Donc la première semaine, il n'y aura que le chapitre 1. La deuxième semaine, le chapitre 1 plus le chapitre 2, et ainsi de suite, jusqu'au 7 juin. La deuxième news, c'est les invités de Paris Manga. Donc Paris Manga qui revient encore pour une nouvelle édition, on est à la 23e, le 25-26 mars. Donc cette année encore, on a des invités japonais, on en a trois. On a Yasuyuki Muto, qui est scénariste d'anime. Il est connu notamment pour Afro Samurai, pour Gundam Unicorn, pour Deadman Wonderland, ou pour les plus coquins d'entre nous, Bible Black. En deuxième invité, on a un mangaka, qui est Kiyo Kujio, donc qui est mangaka chez Kana et qui est connu pour la série des Trinity Blood. Donc voilà, qui sera aussi sur le salon. Et le troisième, c'est un character design qui est Masashi Kudo. Masashi Kudo, il est connu pour avoir notamment fait Bleach en character design. Il a fait aussi Ikkituzen, où là, dernièrement, il est sur Chain Chronicle, qui est actuellement en simulcast sur Crunchyroll. Voilà. Donc la troisième news, ce sont les invités japonais, les invités liés au manga plutôt, au niveau du Salon du Livre. Donc le Salon du Livre se déroulera toujours à Paris, le même week-end en même temps que Paris Manga, donc 24 au 27 mars. Là on attend plusieurs auteurs de différentes maisons d'édition, à commencer par Kiyun qui fera venir Shie Inudo. Donc, qui est leur auteur de Reine d'Égypte, un titre qui vient de sortir en mars, donc qui ouvre leur collection Kizuna et qui nous emmène dans l'Égypte antique, à l'époque des pharaons. Donc, Shin Udo sera là sur le salon pour des dédicaces et une conférence. On a aussi des auteurs français comme Shonen, donc l'auteur de Outlaw Player, qui sera là aussi sur le salon. Mais ce n'est pas tout. Du côté de Kana, on aura Jean-Paul Nishi. Jean-Paul Nishi, c'est un franco-japonais, donc quelqu'un qui est japonais de base et qui s'est marié à une française, et qui sort un titre chez Kana en fin de mois qui s'appelle À nos amours, et donc il sera sur le salon pour pareillement une séance de séances de dédicaces et une conférence. Voilà. Autre point, donc on a aussi chez Glena un français, ou une française plutôt, ce sera Vanra. Donc Vanra qui est connu pour Stray Dog, qui est aussi sorti Ayakashi, Légende des Cinq Royaumes, qui sera effectivement sur le salon pour des séances de dédicaces. Donc voilà. Donc vous avez ces différents invités qui seront sur le salon et que vous pourrez rencontrer et faire dédicacer vos tables. La dernière news, ça concerne Japan Expo Awards. Donc Japan Expo Awards, c'est quoi? C'est des personnes qui sont rattachées à l'organisme Japan Expo qui, chaque année, depuis quelques temps, organise une sélection un petit peu de, un peu comme Angoulême. Et donc, eux, vu qu'ils sont que dans le manga et la Japanimation, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup plus la sphère animée et manga comme nous. Donc, au niveau du manga du Daruma d'or, donc c'est le Daruma, c'est comment ça s'appelle, la distinction qui est décernée. Donc, le Daruma d'or, au niveau du manga, il a été décerné à My Hero Academia. Voilà, donc qui n'est plus à présenter chez Kiun de Koei Horikoshi. Dans la catégorie des mangas de patrimoine, c'est Genji Hiroshima qui a été sélectionné. Donc Kenji Nakazawa chez Vertige Graphique, qui a une nouvelle édition depuis l'année dernière. Dans le manga international qui correspond que aux œuvres françaises, c'est Outlaw Player qui a été récompensé. Dans l'œuvre qui a le meilleur dessin, c'est Dead Dead Dead Demon Destruction de Inyo Asano qui est édité chez Kana, qui a été récompensé. Au niveau du scénario, c'est le seinen Dédale de Takemichi, édité chez Nobinobi en 2 tomes, qui a été récompensé. Au niveau de la fabrication, là on se tourne vers Izen Manga qui a l'habitude de faire des éditions magnifiques. Et c'est le titre Takeru qui a été de Bushi Terazawa, qui est connu pour Cobra, qui a été récompensé. Et enfin, pour le Daruma de la meilleure nouvelle série, c'est sans conteste One Punch Man qui a été élu. Donc ça, c'était les Daruma qui ont été faits par un comité interne. Donc c'est-à-dire c'est des personnes qui ont été choisies par Japan Expo Awards pour le juger. À savoir qu'il y a aussi des prix décernés par le public. Il y en a 3, c'est le Seinen, le Shoujo, le Shonen. Au niveau du Seinen, c'est Les Enfants de la Baleine qui a commencé l'année dernière chez Glénat qui a été récompensé. Au niveau du Shoujo, c'est Takane et Anna. C'est un Shoujo qui est édité chez Kaze depuis l'année dernière aussi. Et au niveau du Shonen, c'était encore One Punch Man. Voilà. Au niveau des séries d'animation, vu qu'il y a les séries d'animation, les films aussi qui sont récompensés, au niveau du Daruma d'or de l'animation, ça a été sans conteste Your Name qui a shippé plusieurs récompenses, vu qu'ils ont eu le Daruma du meilleur anime, du meilleur scénario, de la meilleure réalisation, de la meilleure bande originale, et de la voilà. Et aussi du meilleur film et OAV. Au niveau des récompenses qui restent, il y avait le Daruma de la meilleure édition, donc les éditions DVD Blu-ray, et celui qui a remporté la palme, c'est Le Garçon et la Bête, qui est édité chez Kaze, donc qui était sorti aussi l'année dernière. Et le dernier, c'est le meilleur simulcast, donc qui a été élu, c'est Yuri on Ice, donc l'animé sur le patinage artistique qui a été diffusé sur Crunchyroll en fin d'année dernière. Voilà. Donc c'était tout pour les news, on se revoit dans 2 semaines. Des petites news présentées par Blackstar, on le remercie par avance, hein. Il sera en direct dans la prochaine émission. Mais pourtant j'avais allumé mon micro apparemment. Mais je t'entends faiblement. D'accord, c'est bizarre. Bon, pas chercher à comprendre. Donc comme je disais, merci à Blackstar pour l'enregistrement. Il sera en direct la prochaine fois avec nous aussi, hein. Là c'est vraiment exceptionnel. Je tenais à rajouter un petit truc, c'est que c'est une heure sombre aujourd'hui, hein, puisque le Gundam à taille réelle de la baie de Tokyo a été démonté. C'est triste, voilà. Mais en 2019, il y en aura un nouveau qui sera monté pour les 40 ans de la saga. Donc, qui repose théoriquement mon voyage de 2 ans au Japon. Voilà, c'est une heure sombre. Avant de passer au clip, je propose que les gens qui nous regardent, il y a 6 personnes actuellement, qui se manifestent sur les commentaires, dans les commentaires. Un petit coucou, ça serait bien parce que on se sent un peu seul. Dites-moi si niveau son c'est bon. Voilà. Dites-moi. Allez, s'il vous plaît. Donc oui, effectivement, pauvre Gundam démonté, t'auras pas la chance. Ouais. Ouais, il va falloir que t'attendes 2 ans, mon pote. Ouais, voilà. J'irai dans 2 ans. Et puis c'est tout. Ça, comme ça, je pourrais acheter plus de goodies. Voilà, il se réserve là. Pouvez-vous dire que dans les deux ans, pendant deux ans, il va économiser un max. Ah, c'est clair. Va claquer son argent dans les Gundam, les Mobile Suit. Des robots, comme tu as dit. Il n'y a pas si longtemps. Voilà. Les Mobile Suit, hein, comment on appelle ça, les exo-armures, je crois, un truc comme exosquelette. Ça. Exosquelette. Ah. Ça aussi, c'est correct après tout, puisque ça fonctionne un peu du même système. Et bien là, on va passer maintenant à la première session de clip. Et puis après, on se retrouve pour le Quad 9 à l'apéro. A tout de suite. A tout de suite. Yeah.

Attention. Oula, hey. Et nous voilà de retour. Je crois qu'on a merdé là. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Voilà. Alors, j'écoute si on est bien à l'antenne. Oui, c'est bon. Ah, bon, tu m'as fait en fait, on regardait les clips et on discutait en même temps. Et voilà, et du coup, on a fait oh là là, attention, c'est la suite. Ouh là là là là là. Bon, allez, on se grouille. Bon. De... Gamenasai. Gamenasai. On met ma fan. Eh bien. Ah, je m'entends. Bonjour et bonsoir à ceux qui nous regardent. Vous êtes 8. On vient de nous rejoindre. Hein. Tout à l'heure, vous étiez 17. Oui, 17. Et puis là, bim 10. Bah, ça y est, on revient. Ça y est, on est à nouveau 10. Quoi. J'ai l'impression que c'est les clips qui vous intéressent. Alors, petit message pour un de nos téléspectateurs directement pour toi, Fred. Oui, tu es encore arrivé en retard, je t'en veux. Mais la prochaine fois, tu seras à l'heure, je le sais. Voilà, voilà. Salut donc, à toi, Fred. Donc, oui, bah voilà, bonjour à. Donc, comme tu disais, au nouveau. Nous allons poursuivre l'émission avec le Quat 9 à l'apéro et je vous lance le jingle. Jingle! Je suis bien nu. C'est voilà. Bon. Voilà, on est de retour. On est de retour, du coup. Hein, alors, ça va être un poil compliqué. Il faut juste que je... C'est lui qui a la technique, ce n'est voilà, pas c'est moi. C'est moi qui suis à la technique. Et c'est là que je me rends compte, en fait, qu'on a un petit problème. Je me suis trompé de scène. Alors, retransition. Voilà, vous pouvez voir normalement le premier manga sur lequel nous allons parler. Donc, je laisse. Ah oui, bah pour une fois je vais les faire, vu voilà. Que j'ai pas trop de technique à m'occuper. Voilà. Donc bah là c'est 9 nouveaux mangas qui vont paraître dans la deuxième quinzaine de mars. Donc le 15 mars, donc hier, vu qu'on est le 16 mars aujourd'hui, est sorti Fuka, volume 1 de Seo Koji chez Pika, qui est du genre de shonen, tranche de vie, musique. L'histoire, tu veux la connaître peut-être? Bah oui, parce que c'est que des nouveaux, donc je connais l'histoire. Suite au départ de ses parents pour les États-Unis, Yu commence une nouvelle vie à Tokyo avec ses trois sœurs. Le garçon taciturne vit collé à son smartphone. Oula, je reprends. Vit collé à son smartphone jusqu'à sa rencontre avec Fuka, une jeune fille dingue de musique qui se balade les écouteurs vissés sur ses oreilles. Tout semble les séparer, mais Yu cache une sacrée carte dans son jeu. Après un premier contact explosif, Fuka va bouleverser son quotidien pour le meilleur et pour le pire. À voir, je sais pas. Moi, pour l'instant, je suis pas trop attiré. À voir si ça peut être intéressant. Mais je suis pas forcément attiré spécifiquement par ce manga, personnellement. Je t'interromps. On me dit que ton micro est bas. Allez, pourtant, il est bien allumé. On le mange comme on l'a fait hier sur notre live imprévu, enfin improvisé sur Radio Anime. Alors, avant de passer à la news suivante, manga, hein. On va voir si on nous entend bien. Donc, il y a Frédéric qui te dit « Désolé, j'essaierai d'être à l'heure la prochaine fois. » Oui, t'inquiète pas, je t'en veux pas, c'est bon. Et Frédéric nous confirme bien que ton micro est bas. Alors, je vais essayer de régler le problème. Est-ce que moi, c'est bas ou c'est correct? Je comprends pas, on a le même micro. Voilà, il est bien fonctionnel, il est bien branché, etc. Donc, je vais faire des tests, voilà. Donc, du coup, vu qu'on a parlé de Fred, aujourd'hui, je vais parler de Fred. Voilà, Frédéric est un de mes plus vieux amis. Je le connais maintenant, presque depuis 30 ans au final. Hein, on avait dit que ça faisait 28 ans, il me semble. Et monsieur est un écrivain. Alors, j'ai pas le bouquin là, bizarrement sous la main parce qu'en fait, il est dans la bibliothèque. Et donc, du coup, c'est un écrivain. Et du coup, c'est les enquêtes fantastiques qu'il écrit. Donc, Fred, hein, si tu veux mettre un lien dans le truc, tu mets. Et voilà, allez, ces petits coups de pub apérotac. Et comme ça, en plus, ça fait un test source, c'est magnifique, quoi. Et c'est super bien, il faut acheter. Il y a déjà deux premiers tomes qui sont sortis. Il faut acheter. Achète le livre. Voilà, hein, c'est important. Hein, tu vas aider un bon écrivain. Et puis en plus, il donne à des associations. Alors, si tu t'achètes pas, t'es quelqu'un de méchant. Voilà. Donc après cette ce texte de Ryodoka, confirmez-moi que le son est un peu plus fort pour lui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quelqu'un peut-il se manifester ? Bon, moi ça va, le micro est bon. Bon, bah alors non, faut régler le problème parce qu'il va parler de la news manga suivante. Ouais, voilà. Ouais, sinon je me tais, Yann fait tout, hein. Ça me dérange pas. Ouais. Malin, malin le bougre, malin. S'il vous plaît, quelqu'un peut-il se manifester ? Nous avons une émission à enregistrer. Ah, bah, en attendant que quelqu'un me réponde à la question, Frédéric te dit « Mille merci pour la pub, le son est un peu plus fort, mais ce n'est pas encore ça. » Bon, qu'est-ce que je pourrais faire si je monte ça ? Un peu plus de gain, du coup. Voilà, hein, bah oui, bah écoute, on va essayer comme ça, puis on verra bien, hein. Baisse pas trop le gain, je pense, ouais, je pense, je sais pas pourquoi, il y a un souci avec mon micro. Alors, il y a Greg, donc Wefei, qui sera avec nous à la convention Nyon-Brest Festival, qui me dit que celui de Rio est encore un peu faible. C'est bizarre qu'hier, c'était nickel, hein, c'est la même configuration, c'est étrange. Oui, en fait, faut pas chercher à comprendre. Bon, écoutez, si tant que c'est audible... De toute façon, vous aurez la version radio, vous après, inquiétez pas. Hein, c'est l'enregistrement, comme d'habitude, hein, vous savez, c'est fait un peu à la barbare. On enregistre, on diffuse sur le live et puis voilà quoi. Hein, on va bientôt. Bon, je vais lancer la deuxième news de manga parce qu'on va pas. Alors on me confirme que là c'est bon pour toi. Bon bah alors c'est très bien. Bah alors on passe à la deuxième news manga. Donc j'efface la nouvelle image et je mets la nouvelle image. Et oui, vous avez reconnu cette image. C'est Ghost in the Shell Perfect Edition volume 1. Je vais pas vous dire, je vais pas vous oser vous dire quelle est l'histoire. Hein, hein, vous savez bien que c'est de Masamune Shirow, que c'est édité, ça va être édité chez Glénat, enfin c'est édité chez Glénat, c'est donc forcément un seinen. Donc vous connaissez l'histoire de Ghost in the Shell, ça sort vraiment bien au moment où il y a le film qui sort. Donc oui, moi j'ai bien envie de prendre ce bouquin là. Ça te tente toi, Yann? Ouais. Bah oui, vu que je n'ai pas la toute première qui est sortie il y a très voilà. longtemps. Et là, c'est d'autres artistes apparemment qui ont aussi travaillé dessus, hein, il me semble. C'est même pas de... Si, il y a Masamune Shirow, mais je crois qu'il n'y a pas que le dessin de Masamune Shirow dedans. Ah, et... Donc c'est à voir. On avait fait une news l'autre fois dans un apérotac. Et du coup, on avait dit du coup, qu'il y avait un des auteurs qui avait participé. Ah, on ne voit pas les images parce que tu n'as pas passé. Regarde. Non, c'est horrible. En fait, c'est le top d'image 2 là. Bah oui, tout à fait. Voilà. C'est bon. Voilà, là vous voyez la couverture de. Ouais, je débute en. Hein. Il faut que je fasse transition à chaque fois en fait. C'est cela? Oui, c'est bon. Là, c'est bon. Normalement. Donc vous avez reconnu Ghost in the Shell maintenant, c'est bon? Ça va, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, pour rappel, il y a le film qui sort bientôt. Oui, voilà, c'est ça ce que je disais. Oui, du coup, juste avant. Et du coup, bon, bah voilà. Bon, bah du coup, hein, pour cacher l'ennui, on va passer à la news suivante. Qui est pour moi. Voilà. Et ça sera. Donc, l'image est en. Et c'est bon, elle est là. C'est elle bon, est bah, là. C'est bon, à l'image. C'est bon, j'ai compris comment ça fonctionne. Avec un petit décalage, c'est Kuroko Basket Replace Plus. Je ne sais pas comment on le prononce. Replace Plus. Replace Plus. Volume 1. Dessin de Takahashi Ishiro. Scénario de Fujimaki Tadashi et Hirabayashi Sawako. Chez Kaze Manga, c'est du shonen sport. C'est du basket. Donc, histoire. Satsuki Momoi vient une nouvelle fois de refuser les avances d'un garçon. Manager de l'équipe de basket du collège Taiko, elle est en réalité secrètement amoureuse de Tetsuya Kuroko, un joueur plutôt discret et sans charisme. Un jour, après l'entraînement du club, elle est chargée par Seijuro, le capitaine, de rentrer avec Kuroko. D'abord aux anges, elle déchante rapidement lorsque le reste de la bande décide de se greffer à eux. Voilà, moi je l'attends parce que bah, forcément c'est un spin-off de Kuroko no Basket. J'aime bien l'histoire de base, donc ouais, bon, sympa à lire, je pense. Voilà, je ça me tente un peu, moi perso. Je sais pas pour toi, mais Bah, je sais pas, j'ai pas lu ni la première série, ni ça. Tu peux au moins regarder l'anime est sympa. C'est l'histoire d'un, pour ceux qui ne savent pas, Kuroko no Basket, c'est l'histoire en fait donc d'un joueur qui faisait partie d'une équipe, on va dire miracle, de grands talents. Et lui en fait, sa capacité en fait était d'être totalement inaperçu. C'est-à-dire on le repérait pas. Il a tellement pas de charisme en fait qu'on le repère pas. Et donc du coup, il en a fait son arme. Voilà. Donc très très bon manga. On va passer au manga suivant. Qui est pour toi ? Et qui est pour moi, oui, tout à fait. Le 17 mars sort À nos amours, donc qui est de Nishi Jean-Paul. Voilà. Oh, bizarre. Nishi Jean-Paul. Ah oui, ça y est, je vois qui c'est, Nishi Jean-Paul. Oui, ça y est. Nishimura Taku. Ou Nishimura Taku. À mon avis, c'est soit Nishimura Taku, soit Nishi Jean-Paul, je suppose. Parce que, en fait, quand j'ai regardé dans les fichiers, c'était avec un slash. Donc chez Kana, c'est un seinen. Jean-Paul Nishi, auteur japonais, nous raconte dans ce manga une tranche de vie de sa rencontre avec sa future épouse Karine, une française avec beaucoup d'humour et d'autodérision. Il déteint la vie de couple, le mariage, la grossesse, la naissance des bébés, les anecdotes, etc., etc., etc. Donc c'est presque une partie autobiographique en manga, quoi. Pourquoi oui, pas. En fait, oui, c'est ça. Pourquoi je pas. Vois à peu près qui c'est, Jean-Paul Nishi, c'est quelqu'un, oui, qui a vécu au Japon, qui... Et oui, effectivement, je vois. Donc, son épouse, c'est Karine, qui vit, mais ils vivent au Japon, donc c'est ça. Donc c'est des retours de... D'accord, de voilà. Français habitant au Japon. Et donc, pour le prochain manga, attention, nous avons dû oser. Et du rétro. Et du rétro. Yes, voilà. C'est pas prévu, mais voilà. Sort L'école impudique. Volume 1, 2 et 3 de Nagai Go. Oui, qui est Nagai Go? De Go Nagai, forcément. L'auteur de Goldorak, de Chérimiel, ou Kutione. Ou Kutione. Et cetera. Je pense que Go Nagai, on le présente plus. Il y en a même qui font des prières envers Go Nagai. C'est Go Nagai. Voilà, c'est Go Nagai, quoi. Donc, L'école impudique de Go Nagai, édité chez Black Box Edition. C'est même une réédition, puisque c'était déjà sorti auparavant, il me semble. Non. Non, pas du tout. Je ne crois pas, parce qu'il y a eu des gros problèmes de droit à une certaine époque. Que tout ce qui était de Go Nagai, alors corrigez-moi dans les commentaires, normalement, il y a eu très peu d'éditions de Go Nagai. Ouais. Là, ça commence à se débloquer, parce qu'il y a eu la fameuse affaire Goldorak chez... comment il s'appelait, Déclic Images, je crois. Enfin bref, on va pas revenir, on n'est pas là pour faire un débat. Donc oui, édité chez Black Box Edition, c'est du shonen et du ecchi. 1968. Histoire. 1968. Dans la revue historique Weekly Shonen Jump, le premier succès explosif de Go Nagai fait son apparition. L'école impudique. Considérée comme fondatrice du genre ecchi, cette série provocatrice, pleine d'humour, de scandales et de controverses, est devenue un véritable phénomène social au Japon. Pour la première fois en France, voici l'édition complète qui rassemble tous les défis hilarants des élèves et des enseignants conçus par le père de Mazinger Z. Voilà, donc... Perso, bon, voilà, je vais l'acheter. C'est Go Nagai. Alors... En fait, c'est là qu'on voit qu'on est les dignes fils du capitalisme japonais. C'est Go Nagai, donc on va acheter. c'est et idiot. À noter que sur notre site internet Radio Anime, il y a eu une chronique. Ah non, je me trompe. Si, il y a eu une chronique sur. Chronique sur ça ? Pas sur ça, mais sur Grand Deezer, Mega, je crois. Mais par je sais... Tetsuo. Voilà. Donc, il y a eu une petite chronique là-dessus, oui, tout à fait. On dit bien une connerie. On passe au manga suivant, donc du coup, qui sortira le 22 mars, Love in Progress. Alors, s'il te plaît, si tu pouvais éviter de me cacher l'écran, merci. Excuse-moi, j'ai les commentaires maintenant, parce qu'en plus, maintenant, c'est moi qui est bas. Ah, c'est pas possible. Je finis ma chronique, hein, tu permets. Vas-y, donc, vas-y. C'est Sato Naka Mika, c'est aux éditions Soleil, donc c'est un shoujo. Lorsqu'on entre en contact pour la première fois de sa vie avec des garçons de l'âge de 15 ans, ça fait bizarre. Ah bon ? Pourquoi pas ? L'amour est en marche pour Inako, et Inako n'a jamais été très douée avec les garçons et a toujours fréquenté une école pour filles. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'elle s'apprête à débuter sa nouvelle vie de lycéenne dans un établissement qui ne compte que 4 filles, elle est un peu nerveuse. Tu m'étonnes. 4 filles que des garçons. Tu m'étonnes qu'elle est nerveuse, la pauvre. On sait bien que les garçons, c'est que des bêtes. Hein. Ouais. Eh bah oui, forcément. Donc, du coup, bon, un shoujo relativement classique au final. Moi, c'est pas trop ma came. Si ça passe en animé, peut-être, j'irai pas l'acheter en BD personnellement. Je pense pas. Ah, c'est très shoujo, quoi. C'est Ouais, voilà, c'est le ça. design, le chara design et tout. Donc, On passe au manga suivant. Qui est pour moi? Qui est pour du coup Alors, monsieur au micro faible. j'espère que oui, vous allez m'entendre. Donc, le 23 mars sort Escape Journey. Journey. Escape Journey. Donc, une échappée, journée échappée, quoi. Oui, ouais, un truc comme ça. J'ai nul en anglais. La journée qui s'échappe, Donc, quoi. premier tome Une qui journée échappée, sort ouais. donc le 23 mars, comme dit précédemment, de Ogeretsu Tanaka chez Taifu Comics et. Ah, c'est tombé sur moi en fait, le yaoi. Voilà, c'est du yaoi. On en déconnait il y a quelques jours. Voilà. Et en fait, ça tombe sur moi. Voilà. Ah bah t'as eu le droit au rétro, il faut bien que t'aies des avantages. Zut! J'ai pas fait gaffe. Bon bah, c'est ma faute, l'histoire. J'ai fait exprès. L'histoire, c'est jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans la même université, Taichi et Naoto ne s'étaient pas revus. Malgré leur rupture en tant qu'amants, ils se rendent rapidement compte qu'ils peuvent toujours se fréquenter en tant que simples amis. Mais leurs sentiments d'antan seront-ils restés enfouis, loin dans leur cœur, alors qu'ils sont devenus, redevenus, si proches? Bon, voilà. Bon, moi j'achèterai pas. Voilà. Hein, c'est pas du tout, mais pas du tout ma came. Bah non plus. Voilà, déjà j'aime pas trop les trucs farbleu, alors là, encore moins quoi. Je préfère le hentai ou le yuri. Ouais. Tintin. C'est pour ça que nous on achète le ecchi de Gonaga et pas le yaoi. Voilà, tout à fait, tout à fait. Voilà, bon, on va passer au manga suivant qui est donc Old Boy sortant le 24 mars de Shoei Minho. Okay, ouais, alors c'est un manhwa. On la refait. Ouais, c'est Shoei Minho, c'est chez 1, 2, 3, les éditions Kotoji. C'est ta tranche de vie drame. C'est donc un homme qui retourne dans la ville où habitaient ses parents, pardon, décédés depuis quelques années. Il écrit l'histoire de sa famille en leur redonnant une place et évoquant la maladie de sa mère, ses propres regrets, ses souvenirs, etc., etc. Bon, c'est voilà, C'est un manoir, quoi. c'est un manoir. Ça peut être très bien. Je pense que ça dépend. Par contre, ça pourrait peut-être faire un bon film, je pense. En live, ouais, peut-être live. ça peut être sympa. Je sais pas presque ça. Faut voir, faut lire, faut voir. Là, c'est je sais à pas. voir, ouais, c'est à voir. Là, je ça peut suis être mitigé. Je pense que je commencerai à regarder. Et puis, bah, si ça me plaît, je l'achèterai tout simplement. ok. Alors, je vais baisser un peu le Et micro parce que là, sinon, il est toujours devant mon nez. C'est donc embêtant. là, nous passons au dernier manga, si Exactement. je me trompe pas, qui sort le 30 mars. C'est La petite fille aux allumettes, comme vous voyez à l'écran la couverture. Hein? C'est de Suzuki Sanami. Édité chez les Komiku Éditions et c'est un seinen. Je lis l'histoire, enfin En fait, l'histoire. voilà, tout simplement. Bonjour, je m'appelle Rin. Ah Je bon? suis vendeuse d'allumettes chimériques. Ça peut paraître un peu désuet, mais le style rétro est à la mode. Ces allumettes donnent forme aux chimères, autrement dit, à ce qu'on pense quand on les allume. Et si je vous proposais de réaliser votre rêve ultime contre un an de votre vie, ça vous tenterait? Moi, perso, ça me tente. Ce manga-là, il me tente énormément. Ouais, le chara-design est pas mal. Le chara-design me plaît, l'histoire en elle-même me plaît, l'échange d'un an de... On peut se dire, un an de sa vie, c'est rien si on peut réaliser tous ses rêves. Donc c'est, j'aime bien le concept. Ouais, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Ça, je pense clairement pouvoir me l'acheter. Ouais, à la lecture du titre, je pensais que c'était une. L'histoire de la petite fille aux Voilà. allumettes, Et tout en fait, ça simplement. n'est Et pas en du fait, tout ça. pas du tout. Le titre est trompeur. Et trompeur. Voilà. Eh bien, voilà. Nous avons. Voilà, c'était tous les mangas qui étaient sortis, du coup, Pour la prochaine quinzaine de mars. pour la prochaine quinzaine de mars. Hein. Pour la suite, il faudra attendre la prochaine émission. Hein. Et du coup, nous allons lancer la deuxième partie de clip. Et on se retrouve juste après. À tout de suite.「冷たい都会の片隅に一人」

Et voilà, on est de retour. Alors, on vous fait un petit coucou. Alors voilà, donc la deuxième session de clip. Tout à l'heure, je vous annoncerai tous les titres, du coup. Hein, et nous allons continuer avec la dernière partie de cet apérotac. Je nommais le manga du jour. Et voilà, nous sommes de retour. Alors, du coup, aujourd'hui, le manga du jour, c'est moi qui va le faire. Et je vais vous parler, comme vous avez pu le voir sur le côté, Remonster. Donc, vous voyez, hein, j'ai le tome 1 et le tome 2 qui sont juste là. Je ne sais pas si vous les voyez bien la jaquette. Donc, de toute façon, il y a la jaquette sur le côté. Remonster, donc, c'est un manga qui est édité chez Ototo. Alors, je ne sais plus le nom de l'auteur. Hein, c'est de... Alors, l'histoire est de Kogitsune Kanekiru, voilà, et le dessin, c'est Haruyoshi Kobayakawa. Koba, voilà, comme il a dit. Et donc, du coup, ça parle d'un humain qui s'est réincarné, en gobelin, et qui a gardé, par contre, une partie de sa mémoire en tant qu'humain, et surtout sa capacité d'humain, c'est-à-dire que quand il mange quelque chose, il en acquiert une partie en capacité. Il va évoluer dans cet univers de gobelins pour devenir carrément un ogre à la fin, hein, puisque les gobelins évoluent dans cet univers-là en orque, puis en ogre, enfin, etc. C'est présenté un petit peu comme un journal, c'est très très très agréable à lire, le dessin est vraiment très très joli, vraiment très agréable. J'ai beaucoup apprécié, c'est dommage que le rythme de parution est très très lent. En même temps, quand on voit la qualité du dessin, le nombre de pages, enfin le travail qu'il y a sur ce manga, on comprend que ça mette du temps. C'est clair, c'est vraiment magnifique. Bon, malheureusement, vous voyez pas les dessins, mais je vous conseille grandement d'acheter ce manga-là, puisque c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Donc, je redis le titre, hein, c'est Remonster, donc chez Ototo. Très très bon manga, franchement, à lire. C'est super. Je sais pas, là, Yann vous montre un peu les dessins. Je sais pas si vous les voyez. Voilà, c'est... Je vais m'approcher un peu. Voilà, tu essayes de montrer un où on voit l'ogre, justement. Vas-y, on voit, je vais te montrer. Ah, on continue, attention, bah, hop. Quand il se transforme en ogre, c'est... l'évolution est superbe. C'est peut-être dans le premier tome. Pendant ce temps, une petite chanson pour occuper le temps d'antenne. Le temps qui retrouve l'ogre dans les pages de ce manga. Je vais prendre le passage où il a toute son armure et tout. Ce sera plus simple. Vous êtes neuf à nous regarder. Merci. Merci. Mais n'hésitez pas à commenter. Commentaire. Une interactivité avec nous, ça serait le kiff. Total. En espérant que vous m'entendez, évidemment. Sinon, tu peux montrer la jaquette parce que là, j'arrive pas à retrouver l'image. Oui, parce que là, ça prend un peu de temps. Monte la jaquette, on le voit dessus. Alors, je vais montrer la jaquette. Je m'approche de la caméra, la webcam. Alors. Webcam, parce que c'est pas une caméra celle-là. Et se recule un tout petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, franchement, c'est un peu. Voilà, stop. Si vous voyez là, donc on le voit en haut, là, avec les cornes. C'est le héros, donc sur sa forme finale. Franchement très très bon manga, je vous le conseille, franchement il est énorme, hyper agréable à lire. J'ai mis plus de temps qu'un manga normal à lire, donc c'est vrai que non, voilà, c'est vraiment super sympa. Et bien voilà, hein, c'était la dernière chronique de Apérotac. Pour les clips, vous avez eu en première partie de clip Paper Moon de Tommy, qui est un opening de Souliter, forcément. Brother Height de L'Arc-en-Ciel, qui est un opening de GTO, vous l'avez sûrement reconnu. Le troisième était Kanishimi Yowashi Shishani, voilà, de Little by Little, opening de Naruto, vous l'avez probablement aussi reconnu. Et pour finir dans la deuxième partie, vous avez eu No Regret de Kodakumi, opening de La Loi du Eki, mon gars que je vous conseille énormément. Et moi, je vais citer le clip, le dernier, vu que voilà, c'était forcément. C'est de mon cru. C'est Billy Billy Emotion de Superfly, opening du drama Dr. X Gekai Daimon Michiko. Voilà, donc il a donné tout le titre complet. Je conseille, il y a eu 4 saisons. Et du coup, je remercie Manga News parce que grâce à eux, on a les sorties de manga et je vous conseille d'aller sur leur site, voilà, etc. C'est super sympa. Merci à Yann de m'avoir accompagné pour ce... Yonkuza. Pas Yann, Yankuza. Ouais, moi je l'appelle Yann parce que voilà, j'aime bien mes définitions. Yankuza sur le web. Ah, Yankuza, donc merci Yankuza d'avoir, de m'avoir accompagné sur ce contact. Merci Ryodoka. J'ai pas dit Yannick, hein. Voilà. Attention, ça va balancer là. Donc, et du coup, nous. Eh ben, c'est un plaisir de faire une émission à Pyrotech. Enfin. Au même endroit. Au même endroit, voilà, ça c'est cool. Hein, on a une installation de fortune, mais je trouve que c'était sympa. Et du coup, bah, merci à Blackstar de nous avoir fait l'enregistrement. Il nous rejoindra pour le prochain. On te remercie, Blackstar. Pour le prochain Pyrotech. Je suis en train de chercher le nom de mon émission, ça fait peur. Il y a bien Anima Otaku, Radio Otaku. Oui, voilà. C'est ouais, Private Joke. Voilà, c'est. Voilà. Voilà. donc, du coup, on. c'est les noms, en fait, des fois qu'on nous affuble. Et du coup, on se retrouve pour un prochain Apirotac. Continuez à nous écouter sur Radio Anime. Diffusion samedi. Diffusion, rediffusion samedi, oui, tout à fait. Et alors là, vous ne voyez pas, mais en fait, là, je suis en train de préparer pour arrêter la diffusion. Voilà. Et du coup, on se retrouve, du coup, dans... Souken, surtout. Tu as bien fait de nous rappeler. Nous sommes en convention ce week-end pour le Néon Brest Festival. Voilà, donc il y aura le stand de Radio Anime. Hein, on y aura des jeux, des interviews, des animations, des animateurs remplis de charme. Voilà, ça se voit, j'ai un super bonnet. Donc Ryodoka sera présent, Yankuza sera présent, je fais un petit coup de pub pour mon autre association, les Dark Angels, qui seront là aussi. Pour promouvoir déjà Robin's Chronicle avec leur projet Ulule et aussi le comment dire, ils auront aussi un stand photo, vous pourrez faire une photo sur un stand de votre choix, sur un fond de votre choix pour 1 euro et après ils vous l'enverront par mail. Voilà, ça fait un joli petit souvenir de festival. On vous dit donc à samedi en convention pour à samedi en convention. Les Rennais qui sont qui rediffusion à 19h samedi et puis bah dans deux semaines dans un apérotech matané. Ciao!